بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. traduit et commenté par Abu Taymiyya Khalil al-Mutaniki حفظه الله تعالى. 32e leçon. 32e leçon. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. طيب فقال المؤلف رحمه الله تعالى ما زلنا في باب المسح إلى الخفين. فقال في الحديث 57 وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لن ننزع خفافنا 3 أيام وليليهن إلا من جنابة ولكن من غائط أو بول وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. Donc il dit selon Sofwan ibn Assal. C'est une partie d'un hadith qui est un peu plus long celui-là. Il dit que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait, lorsque nous étions voyageurs, de ne pas enlever nos khoufs 3 jours et 3 nuits, avec leur nuit. Hormis pour la janaba, l'état de d'impureté majeure. Mais pour être allé aux toilettes, c'est-à-dire les excréments, l'urine et le sommeil. Et on garde les roufs pour ces choses-là. C'est-à-dire, comme ça va venir, pour El Hadath, El Asra, l'impureté mineure. Voyez. El Hadith, il est Hassan. Tiens, question. An Sofwana ibn Asalin. صفوان مجرور يعني حرف جر devant عن بقول دي صفوان et non pas صفواني déjà de quel genre de nom il fait partie لا استعدل اسم عربي نعم Awalan, c'est un mamnou ibn sarf. Maintenant, c'est quoi les illatan, les deux causes qui font qu'il est devenu mamnou ibn sarf? Deux raisons sont réunies dans ce nom. Là, pas ajami. Mais t'as dit un début. T'as dit un début au début. C'est un. Avant que tu dises ajami, t'as dit c'est un. C'est un. T'as dit c'est un ajami. C'est quoi ce un? C'est un. Aïwa, t'as dit c'est un ism. Alamiya, c'est un nom propre. Première cause, c'est le nom d'un homme. Deuxième cause, c'est quoi? Safwan. Là, toi tu comprends que l'adl. Fouail comme Omar. Là c'est Safwan. Alawazn. Alawazn, Fa'lan. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a rajouté? Aïwa, Alif wa Noun, Zaydatan. C'est ça les deux causes. Première cause, c'est un nom propre. Deuxième cause, c'est un nom auquel on a rajouté Alif wa Noun. Comme Salman, Afalan, comme Othman, ou Ghayr Dhalika. Tayyib. Donc il dit Al-Mas'ala, Al-Hadathu, Al-Ladhi, Yumsahu, Minhu. Quelle est la pureté de laquelle on peut essuyer sur les roufs. Il dit que le hadith de Sofwan est une preuve que le hadith, quand on dit hadith, c'est la pureté, qui est concernée, c'est la mineure, la pureté mineure. Que la permission d'essuyer sur les roufs vient pour la pureté mineure seulement. Il y a une parole de Nukudama dans le Mughni qui dit qu'il n'est pas valable, d'essuyer sur les roufs pour la pureté majeur, al-janaba. Il n'y a pas. Ça, c'est rousl ou ajib. Faut que tu fasses un rousl. Ou autre, il y a moum si tu es malade ou tu n'as pas d'eau. amal le masque sur les khouf, ça c'est que pour al-hadath al-askhar. Et il dit qu'il ne connaît aucun khilaf là-dessus. Et c'est une parole de l'ulama comme al-hafiz également dans le fath qui dit qu'il y a ijma que le masque sur les khoufain c'est que pour al-hadath al-askhar, la pureté mina. C'est tout. Après, il y a d'autres masales qui vont venir, mais elles sont citées dans le hadith qui vient maintenant, là, car c'est le même thème. Donc, il dit Al-Hadith al-Thamin wal-Khamsoun. Wa'an Ali ibn Abi Talib. Alaykum as-salam. Radi ra'anhu. Qal Ja'ala al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Thalathata ayyamin. Waliyalayahunna. للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين أخرجه مسلم. Selon Ali رضي الله عنه, qu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accordé trois jours avec ses nuits pour le voyageur et un jour et nuit pour le résident, c'est-à-dire sur le suyage, sur les khouf. Hadith rapporté par Muslim. Donc il dit المسائل والأحكام المستفالة من الحديث مسألة التوقيت للمسح على الخفين. Donc la durée de temps pour les suyages sur les khouf. Il dit que le hadith de Ali et celui d'avant de Safwan et encore d'autres démontrent que la durée valable pour l'essuyage sur les roufs, pour le résident, c'est un jour et une nuit. Et pour le voyageur, c'est trois jours, trois nuits. Et c'est la parole des Jumhur, de la plupart des savants. Et d'autres, ulama comme Sha'bi, et ainsi de suite, voient qu'il n'y a pas de durée. Et c'est une parole de Malik également. Et la parole ancienne de Shafi'i, dans son mazhab avant qu'il aille en Égypte. Quelle fut leur preuve? À voilà le hadith de Abi ibn Imara. Ça, il va venir dans le hadith, à la fin du chapitre. Qu'il interrogeait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle, amsa la khufayn, qu'allait na'am, qu'allait wa yawma, qu'allait na'am, qu'allait wa yawmayn, qu'allait na'am, qu'allait wa thalath ayyam, qu'allait na'am, wa ma ashit. Il lui a dit, puis-je essuyer sur mes khouf? Il lui a dit, na'am. Il dit, un jour? Il lui a dit, na'am. Deux jours? Il dit, na'am. Trois jours? Na'am. Et comme tu veux encore. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud et il est faible. Le hadith est faible. Quand il est Abu Daoud, les sabil qawi. Comme ça va venir. Parier. Deuxièmement, un hadith de Anas qui va venir également, dans lequel il dit, wala nahla'huma insha. وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْشَاءَ إِلَّا مِنَ الْجَنَابَ. Qui n'enlève pas ses khoufs, sauf pour la janaba, enfin le ghusl. Ça, c'est un extrait d'un hadith qui va venir. Et il y a également un affaire d'Ibn Khattab, Omar ibn Khattab, que lorsque Uqba ibn Amir est arrivé vers lui, il était voyageur. Il est sorti du Sham, un Jumu'a. Il arrivait à Médina, Al-Jumu'ah, d'après, c'est-à-dire une semaine après. Alors, il est rentré chez Omar de Khattab, il lui a dit, « Mata awrejta khufayka fi rijlik, fi rijlik. » Il dit, « Qultu, yom al-Jumu'ah, qale fa'el nazarta huma, qale la, qale asabta as-sunnata. » Donc, il lui a dit, « Quand as-tu enfilé tes khuf ?» T'as même ? Il lui a dit, « Yom al-Jumu'ah, vendredi. » C'est-à-dire dernier. Il dit, les as-tu enlevé? Il dit non. Il a dit, tu as obtenu la sunna. Ce que tu as fait, c'est la sunna. Tamam? Et c'est un affaire apporté par Ibn Munzir et d'autres, et qui est authentique. Hormis que la partie, il dit, as-sabta as-sunna, as-sunna, ça c'est une riwaya qui n'est pas authentique. Ah, mais as-sabta, il l'a dit. Taïeb. Et donc d'une part, c'est le fatwa de Omar. Donc c'est pas une hujja. C'est le fatwa de Omar, radi Allahu anhu. Amen. Et ce n'est pas une hujja. Et ça même, ce qu'on dit là, c'est une hujja sur ceux qui disent عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وردوا علينا بنواجذ. Que de prendre sa sunna au prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna des califes bien guidés. Donc si on prend ce hadith, on va prendre le col de Omar et on pourra garder nos khouf une semaine. Alors qu'on a des hadiths qui démontrent que non. Donc les gens qui appliquent ce hadith dans l'absolu, que la sunna des califes bien guidés, c'est une sunna mutlaqan, comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela implique pour eux qu'ils prennent ce qu'elle aime. Parce que c'est Omar qui a parlé là. Omar, c'est qui est le moulakab bi amir des mu'minin. Comme l'un des croyants. Et parmi les califs bien guidés. Le numéro combien? Le numéro 2. Le meilleur des sahaba après Omar, après Abu Bakr. Donc, est-ce que le hadith il va être appliqué ici? Ils vont dire non. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, la sunna des califs bien guidés n'est pas acceptée dans l'absolu. Elle n'est pas une hujja en soi. Mais c'est seulement la sunna des califs bien guidés qui est conforme à la sunna ou qui ne s'y oppose pas. D'accord? Mais le sahabi n'est pas ma'soum. Le sahabi, aussi grand soit-il, n'est pas ma'soum. Donc ne faut pas faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. On sait qu'il y a un khilaf par rapport au hadith. Certains voient que la sunna des califs bien guidés elle est prise dans l'absolu. On dit c'est un khilaf. Au minimum, c'est un khilaf. Ne faites pas comme si quelqu'un qui propose ce là c'est devenu un moubtadia. Il y a un khilaf qui existe. Donc pour moi, le khilaf, il est clair que la sunna dès qu'elle est bien guidée dans l'absolu, elle n'est pas à apprendre en soi. Ce n'est pas une hujja en soi. Si elle est conforme à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, si elle ne l'est pas, parce que qui c'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh l'islam par contre il a apporté un ta'wil de cette fatwa. Wa alaykoum salam. Il dit que qu'il n'y a pas de durée pour celui qui est voyageur, quelqu'un qui est voyageur par exemple et qui aurait qui rencontrerait des difficultés en le signant à elle, comme par exemple un messager, hein, un postier, on dit ça se dit un postier. Ce qui disait par exemple qu'on voit les messages d'un pays à un autre avant. Non, émissaire c'est quelqu'un qui apporte un message particulier, mathalan. C'est un émissaire, mais là c'est comme quelqu'un qui fait office de facteur, mais d'un pays à un autre. Parce qu'avant il n'y avait pas la poste comme maintenant. Par exemple, des fois quelqu'un écrivait une lettre, c'est quelqu'un sur son cheval qui partait, qui emmenait le courrier. En tout cas, une personne qui agit de la sorte, par exemple, Charles Saint dit lui, par exemple, qui est une maslaha pour les musulmans am et qui aurait il aurait une chose importante, primordiale à faire et qui ne peut enlever ses ni'al ou ses khouf. Lui, il pense que Ukba ibn Amir rentre là-dedans. C'est pour ça qu'Omar lui a dit ça. D'accord? Mais même ce qu'elle aime là, c'est un ijtihad de Cheikh l'Islam, il n'est pas conforme au Adillah. Quoi qu'il en soit, le Cheikh dit que la vraie parole, Ragir, c'est la première parole qui est que il y a une durée. Et c'est quoi la durée? 3 jours, 3 nuits pour le voyageur, et 1 journée, 1 nuit pour le Muqim, le résident. Mas'ala. Mata yabda et tawqitu. Quand commence la durée du mas? 3 kalem. 3 aqwal. Le premier, que la durée commence à partir du moment où il a enfilé le ni'al. Deuxième kalem, deuxième avis, que le tawqit commence à partir du moment où il a le hadath, qu'il a perdu ses ablutions. Et troisième kalem, que le tawqit il commence à partir de quand? Du premier mas, premier essuyage qu'il a fait. Tamam. Et certains ulama, ils ont même rapporté, c'est un kalam qui est rejeté, bien entendu, mais que certains voient qu'il ne fait que 5 salats avec le masah. Donc il fait 5 salats, c'est fini. Plus de masah. Car les hadiths sont venus pour la durée, dans le temps, pas pour le nombre de salawat qui ont été accomplis. Donc c'est quoi la parole connue dans les trois avis? C'est laquelle? À partir de quand? À partir du premier masah. C'est-à-dire que tu as, mefelen, tu as fait l'eau d'eau. T'as fait l'odo, t'as ma'aman. Tu as lavé tes pieds, t'as ma'aman. Tu as enfilé tes chaussettes ou tes khouf. Vous voyez? Après, tu as fait ce que tu avais à faire. Après, ahdafta, tu as perdu l'odo. Quand même? Que ce soit une heure après ou cinq heures après. Tout ce temps-là, il n'est pas compté. Parce que moment, tu refais l'odo et tu essuies, de là, tu comptes 24 heures. À partir du premier masque que tu as fait sauter. T'as fait sauter chouf, bon, allez comme ça. De là, tu comptes 24 heures si jamais tu es résident. Et 3 jours et 3 nuits, si tu es un voyageur. T'as même pareil. Après, il dit Mas'ala. Izan tahat muddat el mas' fa'el tanqud al tahara wa kaza law khala'a khuffayhi qabl intaha al mudda. Donc, le sujet là, c'est quoi? Si jamais la durée s'écoule, elle est terminée. Les 24 heures. Par exemple, pour le résident, ou les 3 jours, 3 nuits pour le voyageur. Ou si jamais il enlève ses roufs avant la fin de la durée. Est-ce que cela annule l'odo? On parle dans le cas de celui qui a fait l'odo. Mathalan, il a fait son masque. Mathalan, il a fait son masque. Donc il est en tahar. Il enlève c'est rouf avant les 24 heures ou avant les 3 jours et 3 nuits. Ou alors, il. Par exemple, il a gardé l'odo longtemps. Les 24 heures sont écoulées et il n'a pas, par exemple, à un moment où ils sont écoulés, il est encore en purification. Est-ce que lorsque le temps il arrive, c'est fini? L'odo il est annulé. Il vient en Hadith Asra. Il dit il y a Arba Akwel. Quatre paroles. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Une parole qui dit qu'il se contente de laver ses deux pieds seulement. Quand même, ça c'est le mazhab d'Abu Hanifa, de Thawri et d'autres. Deuxième parole qui recommence l'odo et de refaire l'odo. Troisième parole qu'il doit laver ses pieds directement après avoir enlevé les roufs. Et que si jamais il tarde après avoir enlevé les roufs, il refait l'odo. Donc il ressemble un peu au premier call. Le premier call, c'est il lave ses deux pieds. Là, le troisième call, c'est ils disent non, il doit laver ses pieds directement après avoir enlevé les roufs. Et si jamais il tarde, il refait l'odo. Et quatrième call, qui est le vrai, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Car enlever les roufs, c'est pas un arc de l'odo. C'est pas un annulatif de l'odo. Ça va venir, bête d'avoir quitté l'odo, et enlever les roufs n'en fait pas partie. Donc s'il enlève ses roufs, ou que le temps est terminé, mais qu'il est encore mutawaddi'u, il est encore sur l'odo, il fait salat. S'il veut refaire l'odo, mais même tajdid, renouveler l'odo, ma fiché. À ma dire qu'il doit refaire l'odo obligatoirement, sinon il est en hadith asrar, on dit non. Enlever les roufs en soi n'annule pas l'odo. Quand même, ça n'est pas l'odo. Naam. Ça, c'est la vraie parole. Après, il dit Mas'ala, hel tashmel rukhsa il musafiri safar ma'siya. Est-ce que cette permission concerne celui qui prend un voyage de désobéissance pour le péché? Donc, quelqu'un qui prend un voyage. Par exemple, dans le pays d'islam, il veut aller dans le pays genre de Kouf, Mathalen, pour aller faire du perversion, ou en pays d'islam moins moustakim pour aller faire des choses pas bien, Mathalen. Voyez, est-ce que cette permission le concerne celui-là? Ça c'est un relève aussi qui vient, même autre que le Kouf. Est-ce que lui, il lui est permis de raccourcir le salawat, de joindre le salawat, tout ça? Ça c'est un long relève qui existe, il va venir dans le livre si Amir Allah nous permet, je sais pas si on fera Salat al-Safar. En tout cas là il en parle. Est-ce que lui qui fait un voyage haram a le droit de faire le masque sur les Khufayn. Donc il rapporte deux kaouls. Le premier des Hanabila, les Asad de l'imam Ahmed, de Shafi'iyya. Ils disent que celui qui entreprend un voyage de désobéissance, de péché, il ne lui est pas permis de faire ça. Il suit sur le Khuf. Que cela n'est valable que pour le voyage de permission, d'obéissance. C'est tout. Sinon, pas de permission pour lui. Et deuxième parole, c'est de Abu Hanifa et d'Ibn Hazm et d'autres, que la permission inclut tout voyage. Tamam ? Car les preuves sont venues, non pas spécifiées, sauf il a l'iman kaza kaza. Il a dit Moussafir. Moussafir. Vous voyez ? Le Moussafir. Donc il n'y a pas eu de tafsir qui est venu pour dire, donc Moussafir, on prend le kalem dans son apparence. C'est Moussafir, c'est un voyageur, c'est un voyageur. Et cette même argumentation, tu la gardes pour aussi le sujet de raccourcir les salates, rattraper les salates, joindre les salates pour le voyageur. C'est les mêmes réponses. Taïeb. On va se contenter de ça, il y a d'autres masaïd, mais Inch'Allah. On va que bien, Inch'Allah Ta'ala. Tamam. Vas-y. Ma fouma ala. Faïla ouna, wa alhamdulillahi rabbil alamin.